Podcast. La première. La première. 11h midi, le samedi. Bientôt à table. Avec Sophie Mounce. Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle heure gourmande et résolument inspirante. Pour nous accompagner ce matin, comme chaque samedi, Monsieur Carlo de Pascal. Bonjour Carlo. Bonjour Madame Notre Sophie Mounce. Notre chroniqueur gourmand, en grande forme aujourd'hui. Toujours. Vous nous après pondrez le jogging. Un bon petit coup de gueule ce matin. Ah, je ne sais pas. Ah si, arrose sur le gras. Oui, le gras, la mayonnaise, ça c'est mal. Bon, vous parlerez de tout cela. On parlera aussi de toute autre chose, les baies, avec l'arrivée de l'été. Elles pousseront à ça, profusion, Carlo, argou, cynorhodon, sureau. Elles nous reviennent, on aurait donc tort de s'en priver, des bombes vitaminiques qui offrent mille et une propositions gourmandes, du petit-déj au fil de la journée. Cuisinons-les, pour nous en parler, nous rejoindrons dans quelques minutes Claude Aubert, il est le cofondateur de l'association Terre Vivante, pionnier de l'agriculture biologique et de l'alimentation saine. Il vient de leur dédier un petit livre absolument magnifique. Depuis quelques années, Carlo, les vignerons de vin naturel font de plus en plus parler d'eux, des approches au plus près du terroir où les intrants chimiques n'ont pas voix au chapitre. C'est comme ça. Depuis quelques années, nous avons un vigneron nature en Belgique. Monsieur Servaas Blokkeel est avec nous ce matin. Goeiedag. Alors, bonjour. Vous nous venez de Courtrai. Oui. Et vous allez nous présenter votre production par monsieur Patrick Butcher, notre spécialiste vin. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie. J'aurais dû en fait vous présenter en premier. C'est pas grave. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Les tronches du vin, où vous répertoriez tous ces vignerons nature à travers le monde. Et donc aujourd'hui, vous vouliez absolument nous présenter ce vigneron bien belge. Un rebelle du vin, on peut le dire comme ça ? Plus, je vais dire un irréductible. Vous savez, comme les gens de ce petit village en Armorique qui font des choses différemment des autres, ben c'est lui. Bon, on va trinquer. Vous nous servez quoi là tout de suite, Servaas ? J'ai amené trois cuvées. Oui, ben un petit peu de tout. Hein. Un petit peu de tout. Alors, il y aura assez pour tout le monde. Ouais. Voilà, les amis. En ce qui vous concerne, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions via le site lapremière.be ou via notre page Facebook Bientôt à table, La Première RTBF. Nous vous y attendons très nombreux. Bientôt à table sur La Première. Allégeons nos assiettes, le nouveau Graal culinaire. Carlo. Oui. Dites, Sophie, avant la trêve des tongs, on s'énerve encore un petit coup. Allez-y. Hein. Non, pas du lait cru, pas du fromage qui pue. Non, non, l'actu qu'on se bouffe des dernières semaines. À propos, je sens que je vais boycotter Marks & Spencer. Ça lui fera les pieds au bouffon peroxydé, coiffé comme un balai à chiottes qui vient de dire qu'il sort de l'Europe. Il a dit, je sors de l'Europe. Et tout de suite, déjà ce matin, ou hier matin, ou hier après-midi, il a dit, je veux quand même rester dans l'Europe. Hein. J'ai nommé Boris Johnson, mais je m'égare. Donc. À part le Brexit et le football, il y a deux infos législatives. Une qui est faite, elle est coulée dans le bronze législatif, et une qui est à faire. Mais je suis sûr qu'il y a un grand complot maçonnique antéchrist là derrière. Donc ces deux infos législatives, elles sont sûrement liées. La première info, c'est que c'est plié. On a changé la loi mayonnaise, parce que dans notre pays, il y a une loi mayonnaise. Pas encore de loi définissant le complet moule frite. Mmh. On rappelle que jusqu'à hier, si un fabricant voulait vendre un produit sous le nom mayonnaise, le produit devait contenir au moins 80% de matière grasse et 7,5% de jaune d'œuf. Dingue, non ? Une règle qui fait qu'un chat, s'appelle un chat dans nos régions. On sentait comme une protection du consommateur ancienne, juste derrière tout ça. Moi, consommateur, je savais qu'une mayonnaise, c'était de l'huile et de l'œuf. En âme et conscience, je décidais d'en consommer. Et l'État, ce bras invisible, à la fois tout puissant et bienveillant, avait fait en sorte que quand je ne voulais pas la faire moi-même et que je m'adressais à un produit en pot, je pouvais faire confiance à l'étiquetage. Mayonnaise égale mayonnaise, Dieu soit loué, ou à tout le moins prêté. Tout va bien, je me sentais bien et tout le monde était content. Tout le monde ! Ben non, hein. Les professionnels de la profession disaient non, c'est pas juste, hein, d'autres pays d'Europe pouvaient faire de la mayo avec moins de gras et l'appeler mayo, et nous on devrait pouvoir faire pareil, sinon Calimero, il va plus vendre sa mayonnaise pleine de gras. Et d'ailleurs c'est bon pour les gens qui vont manger moins gras, qu'ils disent les industriels. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle loi ? Pas grand-chose. Enfin si, le pourcentage de matière grasse. On va pouvoir faire de la mayonnaise à 70% de gras et 5% d'œuf et l'appeler mayonnaise. Tof, non ? Pour une fois qu'on avait un truc qui tenait debout. On aurait pu garder la mayonnaise en l'état. Et quand un industriel nous proposait, ce qui est largement déjà le cas aujourd'hui, une version au yaourt, à l'eau, à la gomme de guar ou à tout ce que vous voulez, on l'appelait sauce tout court. Et que la mayo reste la mayo. Minkia. Cela m'amène à la deuxième info. ça vient, ça. La ministre fédérale de la Santé, Maggie Debloc, a réussi à faire signer la, deux points, ouvrez les guillemets, convention alimentation équilibrée, fermez les guillemets, par le secteur de l'alimentation. C'est quoi cette convention ? Un machin où les distributeurs et l'industrie s'engagent à réduire de, tenez-vous bien, 5% les calories. Où ça les calories ? Ne me dites pas dans ton cul, je fais du jogging. Oh, Carlo ! Oui, je sais, je c'est suis énervé. C'est pas possible. Selon la DH, c'est quand même bien la DH. C'est quoi ça la DH ? Oui, les chaînes de restaurants, Quick, Lunch Garden, McDonald's, les chocolatiers, bah oui, les chocolatiers, pareil. Les cuisines collectives, ouais. Sodexo, les cantines et autres entreprises alimentaires devront réduire 5% de l'apport calorique de leur menu. C'est quand même bien, on est épatés. Génial. Tu vois, ils ont commencé par la maillot, je sens. C'est l'union sacrée entre Maggie. Le premier qui ose dire que Maggie devrait commencer par balayer devant sa porte se prend une claque. Parce qu'il y a largement de quoi se moquer de tout ce bazar sans faire des attaques sur le physique, vous êtes prévenus. Donc, union sacrée entre Maggie Debloc et notre ministre de la Consommation Chris Peters, monsieur loi mayonnaise. Union sacrée vers une voie où tu vas venger. Moins gras, être moins gros, vivre plus longtemps et plus heureux de tout ce gras en moins vu que le gras c'est mal. J'aime bien que les fast-foods emboîtent le pas de notre ministre pour réduire le gras dans les sauces avec de l'eau peut-être. Quick a dit qu'il veut enlever 30% de gras de la sauce. Ben moi je te dis hein, Quick, fais ce que tu veux mais touche pas à la sauce Giant ou bien je demande à Marc Goblet de venir paralyser oh tes non. restos. Si. Alors voilà, le mieux manger selon l'état bienveillant pour qui finalement le libéralisme c'est bien pour les gens tout seuls et pas trop informés mais pour qui au fond le dirigisme c'est bien pour aider un peu les industriels et les gros distributeurs. Cet état bienveillant qui bienveille sur ta santé, pour quoi faire au final 5% les gars, 5% de calories en moins. Et où ça de nouveau? Et si je prends deux Giant à moins 5%, alors ça fait 10% en moins? Tiens, voilà une question pour le CEB l'année prochaine. Faudra le dire à Marie-Martine. Cette année, les matches. Vous aimez les matches, les gars? Oh, j'adore. Eh bien, les matches, ils contiennent 21% de gras. On et considère alors, que c'est une bonne année. On va leur enlever 5% de gras, alors? Non, on va les rendre aux Hollandais. on va faire un Hollande Exit, hein? Ben oui. Alors, allez, c'est vrai, les gens, ils ont besoin qu'on leur prenne un peu la main. Mais enfin. Ce qu'il faut, on est quand même d'accord, c'est de l'éducation, de l'info, générer le début d'un nouveau rapport à l'alimentation. Pas moins de sucre dans le chocolat, WTF, je ne vais pas le dire sinon. Hein. Si on investissait dans l'info et la connaissance, une fois n'est pas coutume. Quand on est bien informé, on choisit en connaissance de cause. Allez, on a la faiblesse de croire à ce genre de choses ici à Bientôt à Table. Heureusement, Sophie, cher Patrick, Servas... Mes cantines favorites, et notamment le Canterbury aux étangs d'Ixelles, n'ont pas annoncé, enfin en tout cas au Canterbury, j'ai vérifié, j'y suis allé cette semaine manger des matches. Ils n'ont pas annoncé qu'ils allaient réduire la mayo dans l'américain, ni supprimer, Hosanna, la repasse de frites chaudes. En ce qui me concerne, concernant la mayo, le meilleur ingrédient, hein, c'est encore beaucoup de quoi ? Beaucoup d'huile de bras. Évidemment. Je préfère encore de regarder ce que je mets dedans, et comme ça je sais ce que je mange. Voilà. C'est bien ça, la FTB. Est-ce que vous fumez la mayonnaise depuis quelques semaines ? Non, je la sniffe. Ouais, je viens juste de remarquer que la FTB vient d'inventer l'apéro serré. Merci, Carlo. Voilà, exact. Ben oui, le café serré, l'apéro serré. Ah, l'apéro serré. Voilà, ah, merci, voilà. Merci, Patrick. C'est trop d'honneur. Si vous vouliez réagir à ce billet, ce petit coup de gueule haro sur le gras. C'est pour rire. Hein, c'est pour rire. Mais enfin, quand même, il y a une belle philosophie derrière tout ça. Il y a une vraie réflexion à entamer. Bon, cela dit qu'on allège un tout petit peu la malbouffe. Bon, je suis pas non, mais qu'on allège la malbouffe, oui, mais qu'on bouffe mieux, surtout. Oui, ben c'est ça. Après, chacun, effectivement, peut insérer un petit peu d'intelligence dans ses choix de consommation. Et on est là aussi pour vous y aider, les amis. D'ailleurs, on va parler de bonnes petites choses saines et équilibrées juste après. Les baies. Retrouvez Bientôt à Table, chaque samedi entre 11h et midi, en direct sur la première. Les baies, nous en parlons, Carlo, avec un invité incontournable, Monsieur Claude Aubert, que nous rejoignons depuis la France. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Terre Vivante, pionnier de l'agriculture biologique et aussi un auteur prolifique. On vous a reçu il y a quelques années sur notamment votre ouvrage sur les légumineuses. Vous nous revenez en librairie en ce moment avec cet ouvrage « En forme, grâce aux baies, 20 petits fruits aux vertus insoupçonné, des petits fruits aux vertus incroyables. » Et c'est un petit peu ça le point de départ de cet ouvrage, hein, Claude. Tout à fait, parce que c'est vrai que on dit toujours, à juste titre, qu'il faut manger davantage de fruits. On ne parle pas assez parmi les fruits de cette famille des baies, qui ne sont pas beaucoup consommés et qui sont vraiment méconnus malgré leur intérêt considérable. Alors vous l'expliquez d'emblée dans cet ouvrage, les formes sauvages sont toujours plus riches en nutriments que les baies cultivées. Oui, ça c'est vrai pour tous les aliments, c'est vrai aussi pour les plantes, pour les légumes. Une des particularités des baies, c'est que on les trouve encore, pas toutes, mais la plupart, sous forme sauvage. Mmh. Et c'est vrai que dès l'instant où on sélectionne pour en faire des plantes cultivées, on perd une partie de leur valeur, de leur richesse. Ce qui n'empêche pas qu'on en conserve suffisamment pour que ça reste des aliments exceptionnels. Mais effectivement, je pense à l'exemple de la mûre. Je ne retrouve jamais dans les mûres que l'on trouve en magasin ou au marché le goût de la mûre sauvage que l'on cueille au beurre. Je sais que c'est un peu cliché, mais la mûre sauvage que vous cueillez en plein été sur les chemins en Méditerranée, il y a une espèce de goût de mûre que vous cherchez. Après, vous essayez d'en acheter, vous cherchez ce goût, vous ne le trouvez jamais. Exactement la même chose des myrtilles. Ah, voilà, d'accord. Bon, les autres sont moins connus et on les cueille plus rarement dans la nature. Voilà, mais en tous les cas, c'est vrai que les versions sauvages sont plus intéressantes au niveau du goût, bien entendu, et au niveau des apports nutritionnels. Vous l'expliquez dans cet ouvrage. Est-ce que tout le monde peut s'improviser cueilleur de baies? Alors, on a les grands classiques, myrtille, mûre, pourquoi pas? Là, c'est difficile de se tromper. Mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers dans la nature, des baies toxiques qui pourraient être confondues avec d'autres qui, elles, sont comestibles? Oui, ça peut arriver. Je dirais que quand on est devant un arbre, un arbuste qui porte des baies, si on ne le connaît pas, il vaut mieux se méfier et se renseigner. Il n'y en a pas qui sont vraiment hyper toxiques à ma connaissance, mais il y en a quand même qui peuvent provoquer quelques ennuis. Donc si on n'est pas sûr de l'arbre devant lequel on est, on s'abstient ou on cueille des baies et on va les montrer à quelqu'un qui s'y connaît mieux. Quoi. On est en belle saison, là, Claude Aubert, de cueillette de ces baies. On est au début, oui. Ouais. On est en début de saison, hein. Parce que c'est l'été, la pleine saison. Jardin, c'est je cueille déjà des fraises, je ne cueille pas encore. J'ai planté pratiquement toutes les baies dont je parle dans mon jardin. D'accord. On peut planter, ça c'est un des conseils aussi que vous dispensez dans cet ouvrage en forme grâce aux baies, c'est de planter tout ça dans nos jardins. C'est une culture assez facile finalement. Hein. Mais oui, je dirais que des avantages de les cultiver dans son jardin. Un, ça prend pas beaucoup de place, c'est des arbustes. Deux, c'est très rustique, ils ont très rarement des maladies, des insectes, etc. Bon, les principaux ennemis de certaines baies, c'est les oiseaux. Si vraiment on est embêté, il y a des filets anti-oiseaux, hein, on couvre un peu avant que ça mûrisse. Mais donc, voilà, c'est facile à cultiver. En plus, ça produit vite dès l'année suivante ou suivant la plantation, on commence déjà à pouvoir récolter des baies, ce qui n'est pas le cas avec la plupart des arbres fruitiers. C'est ça que des avantages. En plus, un dernier avantage, c'est que beaucoup d'entre elles, on ne les trouve pas dans le commerce. Ou très difficilement, très cher en général, et puis pendant une période très limitée. C'est ça que j'aimerais bien... Alors justement, quelles sont les baies plus originales que nous pourrions planter dans nos jardins, voire sur nos balcons, pourquoi pas, pour un petit arbuste? Pour un grand balcon. Un grand balcon, ok. Un grand balcon. Ouais. Mais si vous voulez, alors ça dépend un peu de ce qu'on recherche. Fraises, framboises, cassis, groseilles. Ouais. Groseilles, enfin bon, le groseille est pas, à mon avis, un peu moins intéressant. Alors après, et puis après, bon, celles-là, tout le monde les connaît. Par contre, il y en a beaucoup qui sont beaucoup moins connues et introuvables. Introuvables, sauf pour certaines, comme le goji. Ah oui, le goji. Maintenant, c'est obligé, le goji. Ça, c'est très tendance. Cette baie de goji, on en parle partout, tout le temps. On en met dans tous les régimes, détox, etc. C'est quoi cette baie? On peut peut-être en parler, parce que quand même, on nous vante ses mérites santé, ses vertus santé, mais est-ce que c'est avéré? Et au niveau du goût, ça donne quoi, cette baie de goji? Au niveau du goût, c'est très bon. C'est une baie très, très agréable à manger. Mais ça pousse bien chez nous, en fait. C'est pas un truc tropical qui a besoin de 40 degrés. Nous. Alors, je sais pas. On n'en trouve pas. Moi, j'ai, vous direz, dans 2 ou 3 ans, que commence à pousser chez moi. Mais c'est très peu cultivé. Ça pousse. On en trouve chez les pépiniéristes, des plants. Mmh. Mais on en trouve encore très rarement cultivé. En France. Au niveau des vertus, on nous la vend, en tout cas, effectivement, comme un antioxydant puissant. Vous partagez cette opinion? C'est une bonne baie, j'ai de raison d'en dire du mal. La seule chose que je dis, c'est qu'on a bien d'autres baies de chez nous, et qui poussent chez nous naturellement, qui sont aussi bonnes et souvent même encore plus riches pour certaines d'entre elles, polyphénol, antioxydants, oui, en vitamine C, etc. C'est vrai, cette baie de goji aujourd'hui est vendue essentiellement en version séchée, oui, en supermarché. Vous savez quel est le plus gros producteur de cette baie de goji? C'est le Brésil, non? La Chine. Ah, la Chine, eh, c'est oui, pas grave. Eh, oui, avec l'ail et les citrons. Là, c'est tout de suite moins romantique. Hein, ils produisent nos téléphones aussi. En réalité, elle est cultivée sur des dizaines de milliers d'hectares, de manière peut-être même très intensive, en Chine. Donc, ce n'est plus une baie sauvage. Si vous voulez, on peut peut-être préciser, Sophie, c'est l'occasion, c'est qu'il n'y a pas de super aliment. Il n'y a que de la super alimentation. C'est-à-dire qu'en mangeant justement du cassis, de la myrtille, de la fraise, on fait le plein de vitamines, d'antioxydants, mais ce n'est pas une baie qui va résoudre toutes nos carences. Absolument, on est bien d'accord. On peut dire ça, du chou. De manière générale, des aliments. Il n'y a pas d'aliments miracles. Mais il faut le répéter parce qu'on est régulièrement envahi de communiqués de presse et autres messages qui voudraient nous dire qu'avec un aliment, on a trouvé la solution. Mais non, et puis en plus, la diversité du goût, c'est tellement bien. Essentiel. Non, et justement, c'est une des choses qu'on peut reprocher, non pas à la baie de goji, mais à ceux qui la vendent, qui lui prêtent des vertus miraculeuses, qui est en cas, si vous voulez. Donc, mangeons des baies, différentes baies, régulièrement. Je pense que c'est un petit peu ça, le secret d'une alimentation de qualité et santé. Petite question aussi qu'on peut se poser en tant qu'amateur de baies. Donc, on va les cueillir fraîches. Comment est-ce qu'on pourrait les faire sécher, ces baies, pour les garder tout au long de l'année, les intégrer, par exemple, à nos petits déjeuners, à nos muesli, etc. Bon, maintenant, il y a plusieurs techniques. Hein. Disons qu'on peut les mettre, ça dépend un peu du climat dans lequel on vit. Et du temps. Bah chez nous, c'est la Belgique qui fait souvent mauvais. Et humide. Non, mais si on ne veut pas prendre le riz, parce que la méthode naturelle, c'est qu'on les étale, et puis on les met au soleil. Et puis on surveille qu'il n'y a pas des... Enfin, on met une voile dessus pour que les insectes ne viennent pas s'en mêler. Mais je veux dire, on trouve aussi des séchoirs qu'on utilise pas seulement pour les baies. Les fameux déshydrateurs qu'on trouve dans les magasins bio et qui sont très tendance en ce moment. Donc voilà, moi je dirais, pour plus de sécurité, acheter un petit déshydrateur et c'est facile. Quelles sont les manières dont vous les consommez, toutes ces baies? Est-ce qu'il y a des... Bon, j'imagine les confitures se prêtent bien évidemment en cuisine à ces baies, mais il y a d'autres recettes que vous aimez réaliser, Claude Aubert? Oui, alors c'est vrai que on peut mettre ça, par exemple, dans des céréales. Les utilisations des raisins secs, qui sont multiples, sont également valables pour pas toutes les baies, certaines. Le problème des baies, c'est que plus elles sont intéressantes sur le plan nutritionnel, moins elles sont agréables à manger. Par exemple, la groseille. C'est pas la plus intéressante. D'accord. Les plus intéressantes, ce sont des qui sont pas, j'en citerai trois, qui sont pas connues, mais qui sont pas toutes les autres en matière aussi bien d'antioxydants que de vitamine C, c'est le cynorrhodon. Ah, le poil à gratter, ça. Hein. Oui, ça se mange ? Pas le poil. Alors, oui, mais bon, c'est peut-être pas un bon exemple. Si vous voulez cueillir des cynorrhodons, il y a des régions où on en trouve beaucoup. C'est un peu compliqué, je dirais, parce que ça ne se mange pas directement comme ça. Il faut extraire la pulpe. D'accord. Et bon, c'est une opération un peu compliquée. Par contre, pour moi, la reine des confitures, c'est la confiture de cynorrhodon. Après, il y a l'argouze, oui. Et la ronia. Alors qu'on commence à trouver maintenant l'argouze, on trouve depuis longtemps le jus dans les magasins bio. La ronia, elle commence à apparaître. Alors c'est des baies qui ont des teneurs en vitamines 10 à 20 fois supérieures à celles de l'orange, par exemple. Mais du fait qu'elles sont, et ça c'est une règle, plus un fruit est riche en vitamines, et plus il devient acide, parce que la vitamine C est acide par elle-même. Donc, pour prendre l'aronia, je veux dire, commence à découvrir, en tout cas dans l'alimentation bio, c'est pas aussi agréable à manger qu'une fraise ou une framboise. Donc il vaut mieux les incorporer dans des plats, vous les mangez sous forme de confiture. Avec du sucre, beaucoup de sucre. On peut les cuisiner à la manière de Christine Ferber, deux cuissons pour ces confitures. Oui. Et autant de sucre que de fruits. C'est ça, mais on ne perd pas les... Autant de sucre que de fruits, je ne suis pas très d'accord. Ouais. À mon avis, il vaut mieux mettre moins de sucre que de fruits. Oui, bien sûr, mais je vous taquinais un peu, mais c'est vrai que Christine Ferber, qui est la reine des confitures et qu'on retrouve en Alsace, la reine du sucre, elle a une recette particulièrement goûteuse, mais c'est vrai qu'elle met énormément de sucre. Mais par rapport à des petites baies assez acides, là, je pense que ça pourrait effectivement. Mais on ne perd pas la cuisson de ces baies si riches en vitamines. N'altère pas leur... Si, la cuisson, la vitamine C... Elle est très sensible à la cuisson, à la vitamine C. Donc, ouais. Mais si vous voulez, bon, si vous avez une baie comme l'aronia, qui est bonne mémoire, contient 700 mg de vitamine C pour 100 g à comparer avec les 50 mg de l'orange. Si vous en détruisez la moitié, il en reste 350. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on en détruit une partie, mais il y en a tellement à l'origine qu'on en garde encore beaucoup. Juste, avant d'oublier, je voulais dire deux mots d'une baie qui, pour moi, est la reine des baies, je dirais, courantes, c'est le cassis. Le cassis est extrêmement riche en vitamine C, bon, moins que l'aronia et le cynorhodon, mais beaucoup plus que les autres baies courantes, familières. En plus, ça a une très bonne saveur. Donc, c'est vraiment une baie qui est très, très facile à cultiver dans son jardin. C'est une baie qu'il faut redécouvrir, si vous voulez. Concernant la baie d'aronia, il y a une recette qui est très intéressante, Claude Aubert. Ce sont les lentilles aux baies d'aronia. Très intéressant au niveau de l'association. Et donc, il y a aussi le macro groseille. Carlo. Ben oui, la groseille à macro. Non, le macro groseille. Alors, ouais. C'est amusant parce que c'est une variété de groseille qui s'appelle la groseille à macro. À macro, oui. Parce qu'elle était traditionnellement consommée avec le macro, notamment, qui est beaucoup plus grosse, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, on appelle le groseille blanche par chez nous. Absolument. Oui. Et ben alors, peut-être qu'on la trouve encore chez vous. Mais en France, elle a totalement disparu. C'est un classique. C'est un classique en Belgique, la tarte aux groseilles blanches, c'est un classique. Je ne sais pas maintenant d'où elles viennent, mais c'est quelque chose. En tout cas, moi, je me souviens d'en avoir mangé souvent, en tout cas petit. Oui, moi, je mettais de la cassonade dessus. Mais bon. Parce que c'était un peu sûr, comme on dit. Voilà. Voilà, en tout cas. Mais vous avez de la chance, parce que, je veux dire, en France, on ne la trouve plus dans le commerce, même dans le commerce bio. Si vous aïe, aïe, aïe. Bah, en tous les cas. C'est pour ça qu'il faut la. C'est une des baies prioritaires à cultiver dans son jardin. Voilà, mais c'est vrai que le contraste avec un poisson gras est très intéressant. L'acidité de la groseille et le poisson gras. Ou la sardine, on pourrait même envisager ça, Carlo. Oui, de la sardine à la groseille. Voilà. Hein, voilà. Oui, ça peut s'associer à beaucoup de poissons. Et comme toujours, de la morue aux fraises. Comme dirait Gaston, c'est toujours important. Exactement, voilà. En forme grâce aux baies, 20 petits fruits aux vertus insoupçonnées. C'est votre livre, Claude Aubert, publié aux éditions Terre Vivante. Nous allons poster, bien entendu, quelques recettes sur le site lapremière.be. Belle continuation, Claude, et merci bon week-end. Beaucoup. Merci, vous aussi. Voilà, Carlo, à suivre d'autres baies, des baies de raisin. Ah, du raisin belge. Du raisin nature, belge. Avec nature. Monsieur Servaz Bloquel qui nous attend avec monsieur Patrick Butcher juste après ceci. 11h midi. Bientôt à table sur la première. Avec Sophie Mouns. Il est 11h31. Vous écoutez la première en ce samedi matin. Petit problème d'émission sur la région de Mons. Rassurez-vous, ça va être réglé dans la petite demi-heure qui suit. Donc, en attendant, vous pouvez vous brancher évidemment sur le site lapremière.be et nous écouter en direct live. Pour cette émission, nous avons décidé, Carlo, de faire la part belle à un vigneron naturel belge, le seul en l'occurrence du plat pays. Patrick Butcher, vous me l'avez fait découvrir récemment, il s'appelle Servaz Bloquel. Je vous laisse faire les présentations, comme il se doit. Alors, il y a un petit coin de Flandre occidentale, entre Courtrai et Audenarde, où pas un petit village, mais un petit vigneron a décidé de résister à l'envahisseur de la viticulture conventionnelle. Et il est aujourd'hui un des rares bio en Belgique et en Flandre. Et surtout, il est, pour moi, à ma connaissance, je veux vexer personne si ce n'est pas le cas, le seul vigneron naturel. Cela veut dire que, à la fois à la vigne et à la cave, on respecte le raisin, le fruit. Alors, avant de faire les présentations et d'un petit peu comprendre le parcours de ce rebelle du vin, on va peut-être d'emblée poser les choses. Pour ce qui est de l'agriculture biologique en Wallonie, notamment, là, ça se porte plutôt bien. En revanche, ce n'est pas le cas pour la viticulture belge. Là, on est encore très axé sur l'agriculture conventionnelle, à l'ancienne. Tout à fait. Et je pense... Ça marche très très bien, le bio est de mieux en mieux, surtout en Wallonie. Ouais. Donc la courbe d'augmentation bio est la même en Flandre qu'en Wallonie, mais le problème c'est qu'il y en a 10 fois moins en Flandre qu'en Wallonie. Ouais. Au niveau du vin, il y a encore beaucoup de méfiance, parce qu'évidemment le vin, pour que ça rapporte, il faut produire. Et aujourd'hui, pour produire, eh ben, il faut beaucoup d'éléments chimiques, parce que c'est pas évident de faire de la vigne naturelle. Ouais. Mais on a déjà beaucoup reçu, hein, Carlos, ces nouveaux vignerons belges qui font revivre cette vigne. C'est vrai que dans le passé, nous étions historiquement des producteurs de vin aussi, il ne faudrait pas l'oublier. Aujourd'hui, ça revient avec une nouvelle génération de producteurs. Mais ils nous disent souvent, oui, mais on n'a pas le climat adéquat et donc on est obligé d'utiliser la chimie. Oui, mais à ça, je réponds. Je réponds que du côté de Liège et de Namur, il y a 200-300 ans, il y avait énormément de vignobles. Et il faisait bien plus froid que pour le moment. Donc, mais Patrick, est-ce qu'on atteignait les 11-12 degrés réglementaires? Ça, j'en sais rien, moi, personnellement. Le Château Neuf du Pape à 15 degrés, c'est pas un truc qui me botte. Moi, j'ai toujours milité pour des vins de soif, des vins à boire en glouglou. Et s'ils ont 11 degrés, comme aujourd'hui, c'est bien mieux que quand ils ont 15 degrés. On est d'accord, mais donc c'est une question, effectivement, de le climat n'est pas facile chez nous, mais peut-être, et ça va être central, je pense, dans la dégustation d'aujourd'hui, c'est les cépages adaptés à notre climat. Oui, et ça, je pense que le vigneron va en parler beaucoup mieux. Alors, justement, nous en parlons avec Servaz Bloquet. Merci d'avoir fait le petit voyage ce matin pour nous rejoindre avec quelques jolis flacons de vin nature et belge et flamand en même. Hein, donc vous êtes tout près de Courtrai, Servaz. Une formation agronomique à la base et une envie d'exploiter des terres, mais à votre manière, différemment. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Oui, il y a très longtemps que j'étais à l'école et puis j'ai fait pas mal de choses dans la vie, mais jamais en agronomie. Et tout à coup, ça m'est venu dans la tête que mes parents, ils avaient quelques terres agricoles. Et j'ai parlé avec eux et on s'est arrangé et j'ai commencé à planter. J'ai été très pris par le mode de travail des vignerons naturels, notamment en France, mais il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a partout. Et... comme j'ai toujours été un peu écolo, et je suis peut-être un peu un type spécial, et autodidacte, je fais mon truc. Et vous êtes dit, je vais planter ma vigne, mais je ne vais pas la traiter, tout simplement. Voilà, ça c'était dès le début, j'étais sûr de ça. C'est évident que c'est pas évident. il faut bien étudier, il faut chercher... et dès le début, j'ai choisi des cépages qui sont pas classiques. Et j'ai vu tout de suite que le problème commercial des vignerons, c'est cette notion de typicité. C'est que tout le monde veut un vin qui soit typique. Mais qu'est-ce que la typicité? Prenons les vins bordelais, par exemple. Ça a une certaine typicité, mais ça n'a rien à voir avec les terroirs. Oui, c'est ça. Donc, avec les raisins. Souvenez-vous, Carlo, on avait reçu il y a quelques mois de cela Claude et Lydia Bourguignon, deux grands spécialistes de notaires, des agronomes chercheurs à l'INRA. Oui. Exactement, qui nous ont expliqué l'importance du terroir. Est-ce que ce terroir pouvait léguer aux fruits, évidemment. L'importance de ne pas abîmer la terre, de ne pas laisser raviner la terre, de garder la terre à l'endroit où elle est et de ne pas la laisser partir avec la flotte. Et effectivement, c'est un enjeu capital. On a beaucoup ri de ce genre de choses pendant 30 ou 40 ans. On en rit beaucoup moins et on commence à prendre ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on réalise l'étendue du désastre. Il nous expliquait la qualité de nos terres aujourd'hui qui se vident de toute la biodiversité, notamment des insectes. Vous, ça ne vous a pas fait peur lorsque vous avez acheté ces parcelles de terre donc en 2012 pour créer ce domaine Leicester Nest. Vous faites simplement le constat que les terres ne vont pas bien. Oui, mais bien sûr. Vous ne démontez pas, vous vous dites je vais reprendre tout ça à la base. Mais déjà, la peur, c'est une émotion. Et ça nous aide jamais. Non. Alors, j'ai pas voulu avoir peur. Ouais. Et j'ai commencé, comme Patrick vient de dire, comme un petit Gaulois un peu, parce que je suis bien entouré des agriculteurs conventionnels. Oui. Et. Bon, mais comment est-ce qu'on fait quand on arrive et qu'on achète une terre quasi morte, on peut le dire comme ça, comment est-ce qu'on fait pour la remettre en vie, pour remettre une biodiversité? Je plante une haie tout autour. Déjà, comme ça, on a un peu d'arbres. Et puis, je sème avec des mélanges, n'importe quoi, le plus de variétés possible. Donc des légumineuses qui vont enrichir la terre d'azote, notamment. Et la vigne, vous la plantez à quel moment, à ce moment-là? L'année après. l'année d'après. Oui. Donc pendant un an, cette terre va se recharger de nutriments, va permettre de nourrir la vigne. Pas entièrement. Non, mais normalement, il faut une neuvaine d'années. Oui. Enfin, vous commencez. Pour obtenir ça. Vous commencez mais par ça commence et ça arrête tout de suite l'érosion. Ouais. Ce qui était important quand même de signaler, Patrick c'est que Servaz avait un projet agronome avant tout. Oui, tout à fait. Il a choisi le vin parce que c'est là qu'il retrouvait la solution pour son projet. Mais ce n'était pas une obsession de faire du vin à l'origine. C'est là qu'il s'est dit, bah, peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir trouver cet équilibre dans la nature. Et ce côté redonner de la vie, redonner des nutriments, c'est important. Surtout, ce qu'on en parle souvent, c'est cette fameuse couche d'humus qui est en fait l'échange entre le sol et la vigne elle-même, avec le milieu aérien. Et si cet humus est vivant, si cet humus est souple, mais on le sent quand on marche dedans, on s'enfonce. Surtout moi qui suis un peu plus pesant, je le sens bien, il n'y a rien à faire. Mais bon, on sent que la vie est là, et que cette vie, elle perfore le sol, elle lui donne cette souplesse. Carlo, il disait très bien, quand on voit toutes les inondations de ces derniers jours, mais c'est dû à un compactage des sols, parce que ces sols ne sont plus vivants. Il faut quand même se rendre compte que les vers de terre, ils sont plus là pour creuser les galeries, que les bactéries ne sont plus là pour rien. Donc ici, le projet est intéressant, parce que c'est un projet vivant avant tout. C'est une reconstitution d'un biotope. Mais comment est-ce que vous expliquez... Bon, alors, on reçoit à l'instant un message de Jean-François qui nous dit qu'il y a les vins de Liège, 14 hectares de vignes cultivées en bio. Donc là, on est sur de l'agriculture biologique au niveau de la vigne. Là, vous allez plus loin à Servaz, puisque vous, vous faites des vins nature, c'est-à-dire que au chai... Vous n'utilisez aucun intrant chimique, aucun sulfite, etc. Oui, c'est décrié. Donc la démarche, là, elle est vraiment très globale, très complète. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a à ce point-là si peu de vignerons nature en Belgique? Parce que justement, le renouveau de la vigne, il est bel et bien là, quand même, Patrick Botcher. Ça bouge quand même aujourd'hui. Des peurs. Je pense que Servaz est le premier à pouvoir l'expliquer parce qu'il a parlé à d'autres vignerons, des gens qui ont effectivement ont tenté le bio et puis qui sont revenus en arrière. Parce qu'il y a cette peur, que cette peur est une émotion. Et si effectivement, avec les mauvaises saisons qu'on a pour le moment, ils sont menacés de perdre la moitié de leur production, ça fait peur. Sophie Servaz, hors antenne, nous disait quelque chose d'intéressant. C'est que là où, en agriculture conventionnelle, ou même quand on passe en bio, l'obsession c'est de lutter contre des ennemis, que ce soit les limaces ou autre chose, il nous a expliqué tout à l'heure, j'aimerais bien que vous le redisiez, j'ai arrêté de lutter, et notamment contre les limaces. Et expliquez-nous sur le cas précis des limaces pour qu'on comprenne l'image, l'exemple. Oui. Voilà. Parce que avec la plupart de nos amis qui nous écoutent et qui ont des potagers se font bouffer par les limaces. Oui, mais pour le potager, c'est un tout petit peu différent. Hein. Mais raconte ce que tu as fait pour la vigne, c'est intéressant. Mais pour la vigne, j'ai le dernier champ maintenant, je l'ai semé l'année dernière, en 2015. Et cette année-ci, il était plein de trèfles. J'ai planté là-dedans, tout bêtement, et on a laissé les plants. Et il y a eu le trèfle qui poussait ensemble avec les plants, et les plants, ils étaient tous inondés, soi-disant, dans le trèfle. Et le trèfle, il est très favorable aux limaces. Alors, ils vivent là-dedans. Donc, ça a attiré les limaces. Voilà. Oui, il y en a beaucoup. Les limaces se contentent de manger le trèfle qui en quelque sorte, oui. Mais c'est une expérience que j'ai faite. Je ne savais pas davantage. Et j'ai tout laissé un peu comme ça. Je l'ai suivi. C'est bon à savoir, ça. Et j'étais prêt à tout couper si nécessaire, mais je l'ai pas fait. Et j'ai un bout du champ où il n'y a pas de trèfle, où il y a peu de végétation, et là, les plantes de vigne sont bouffées. Dans le trèfle, on ne les voit pas, mais ils ne sont pas mangés. Jeanne, qui est jardinière, nous dit, tiens, est-ce que je pourrais planter effectivement du trèfle pour sauver mes salades? Bon, on pourrait peut-être essayer, je pense que c'est limaces... Entre le trèfle et les salades, les limaces n'ont pas fait la différence. Oui, non. Là, ils ne font pas la différence. La base de l'idée, c'est que si on lutte... Même, on a un cas de figure en bio. Par exemple, il y a un nouveau produit maintenant contre les limaces. Ouais. Et ce sont des bactéries. Ouais. Et pour les bio, ça, c'est super. C'est pas nuisible du tout. Ce sont des bactéries qui mangent la limace. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? On asperge les bactéries et pendant 6 semaines, on n'a plus de limaces. Mais elles reviennent à un moment, non? Mais à un moment, les limaces reviennent. Mais tous les ravageurs de limaces... Entre-temps, ils sont partis. Ah, et donc ils, les limaces... Ils sont autre part, ils ne sont plus là. Alors, les limaces, elles reviennent. Et il n'y a, plus de prédateurs. Oui, ne sont plus là. Et là, le problème, il est encore plus grand. Mmh. Mais c'est bien pour les producteurs de ces produits, parce que là, il faut en acheter de nouveau. Oui, donc les dégâts, alors, au si final, on a, sont si plus si on arrête d'avoir peur et de lutter, on peut trouver d'autres chemins, mais ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas facile. Donc, les solutions existent bel et bien, hein, Patrick Botcher. Il suffit un petit peu de cogiter, de concevoir le modèle agricole différemment, mais Servaz nous en fait une parfaite démonstration. On va déguster, bien entendu, quelques-unes de ses productions. On en a un bel exemple là, sous le nez, hein, Carlo. Oui. Un vrai vin de soif, avec une belle acidité. Et c'est du vin nature, et je peux vous dire que c'est goulayant, comme dirait certains. Hein, c'est, oui, c'est très goulayant. Alors moi, j'ai le deuxième. Donc la cuvée tout à l'heure, c'était du Rondeau principalement. Donc oui. Vous employez des cépages qui sont des cépages hybrides, qui sont adaptés à notre climat, avec pas mal de mélanges. Vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne, certains de ces cépages ne sont même pas, entre guillemets, je mets des guillemets à même pas, de la fameuse Vitis vinifera. Vous savez que normalement, en Europe, on ne cultive que des plants qui viennent de la Vitis vinifera et on n'emploie pas la Vitis lambrusca ou d'autres Vitis. C'est un peu technique, mais soit. Tout ça pour dire qu'on est dans un monde de vin nature où, puis il faudrait peut-être arrêter un jour, peut-être un jour on ne parlera plus de vin nature, on parlera de vin, hein Patrick, mais où effectivement on a un fruit absolument incroyable au nez avec aucun de ces fameux défauts qu'on pourrait rencontrer. C'est un peu surprenant, alors c'est, Sophie l'a très bien dit, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité, j'avais un peu l'impression de boire du vin blanc, donc c'est très très, très très vif, ça attaque très très fort, ça pique même un petit peu la langue. Du bon vin blanc. Du bon vin blanc. Oui. Et après, effectivement, ça laisse une grande impression de légèreté, mais un côté floral et fruité vraiment très beau. Bientôt à table sur la première. Nous dégustons en ce moment quelques-unes de vos productions. Vous vinifiez en rouge, hein, Servaz. Oui. Uniquement. Vous ne faites pas du tout de vin blanc. C'est une volonté. C'est pas vraiment du vin rouge. Je vinifie tout ensemble. Ah. Alors je plante plus ou moins en complantation. Alors chaque rangée, c'est un cépage différent. C'est ça, donc vous mélangez tout ça. Et je mélange tout ça, tout simplement. Et ça change blanc, quoi blanc ça, et rouge ensemble. Ça change quoi le fait de planter comme ça? C'est au niveau du sol c'est très ancien, hein, la complantation. Oui, c'est simplement mon idée de biodiversité. Quoi. Votre ami Patrick Michel Deiss, que vous nous avez présenté il y a quelques mois. L'Alsacien qui remet le terroir à l'honneur plutôt que le cépage, il travaille en complantation. Tout à fait. Encore plus en complantation que Servaz, mais bon, la finalité... Oui, il y a un peu plus de place. Je crois qu'on revient toujours à ce principe d'il y a 200-300 ans, Servaz, Jean-Michel Deiss, ils font du vin. Mm-hmm. Ils ne font pas une espèce d'étiquette où il est mis un nom de cépage ou des choses comme ça. Il fait du vin. Donc le vin, en fait, doit faire parler le terroir. C'est fait. Ça qu'on doit réapprendre et qu'on a peut-être oublié pour mille et une raisons. Hein. Bon, on ne va pas non plus jeter l'opprobre. On a fait comme on a pu, tant qu'on a pu. Ouais. Mais non, aujourd'hui, on sait. On connaît les ravages de toute cette agriculture conventionnelle sur les vignes. On en parle régulièrement dans les médias. On parle de ces écoles bordées de vignes dans le Bordelais où il y a des enfants qui sont de plus en plus régulièrement malades. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire forcément un lien de cause à effet. Donc il faut changer tout cela. On a quand même pas mal de réactions d'auditeurs qui nous disent « Bon, ben, vous êtes bien gentil, Servaz, mais que pensez de tous ces agriculteurs qui vous bordent certainement et qui travaillent en conventionnel ?» Il y a quand même des infiltrations de pesticides qui arrivent dans vos vignes. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Parce que vous n'avez pas non plus 50 hectares non plus. Donc, non. Comment est-ce qu'on fait pour se dire vin nature alors que quand même, à côté de vous, il y a quand même un petit peu de chimie quand même. C'est difficile. Mmh. Mais c'est pour ça que j'ai planté des haies. Des haies, oui. Quoi, donc elles font barrage en fait. Oui, ça fait un peu barrage. Ouais. Et en été, il n'y a pas de problème. Au début de printemps, parfois, j'ai un peu de problème avec des herbicides. Ouais. Mais là, ça se voit tout de suite à la vigne parce que la vigne est très susceptible aux herbicides. Et bon, parfois, oui, il y a des problèmes, mais ça c'est le même problème comment vous êtes perçu par vos voisins qui travaillent en conventionnel vous êtes perçu comme un fou, un hurluberlu, un illuminé, qui a rien compris, quoi Aucune idée. Et je pense vous ne parlez pas. Si, mais je pense qu'eux, ils attendent aussi. ils savent pas ce que... Ils sont perplexes. Ils savent pas ce que je fais. Ils ouais. comprennent rien du tout. Tout à coup, il y a un champ là qui est plein de fleurs. Comme moi, je travaille dans la vigne, maintenant, quand il fait beau, ça buzz de tous les côtés. Je suis entouré par des insectes partout. Ouais. On va dans le champ de patates et il n'y a rien. Il n'y a personne. Mais en fait, c'est ça. C'est qui les illuminés? C'est qui c'est ceux qui c'est pas parce que la pensée est dominante. Enfin, on l'a déjà dit 100 fois dans l'émission. Mais c'est pas parce que la pensée est dominante. C'est le champ de patates mort que. On est bien d'accord, Carlo. Oui, on est plus que d'accord. D'ailleurs. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de dire qu'en 2016, la question de l'illumination, au contraire, je veux dire, c'est ceux qui croient encore qu'en inondant de chimie, c'est eux qui croient au Père Noël, je dirais. En tout cas, c'est pas des paroles mensongères, parce que le vin est là, oui, c'est une preuve. Oui, il est bon, et il est bon. Enfin, oui. C'est même pas le truc que tu bois en te disant, putain, c'est pas très bon, mais c'est nature et ça fait du bien encore. Tu vois, ça arrive parfois. Carlo. C'est déjà arrivé. Oui, excusez-moi. C'est la fin de la saison. Je vous promets que pour les émissions de l'été, c'est policé à mort. Ouais. Voilà. Mais non, mais c'est pas. Parfois, tu bois des trucs en disant, ok, c'est pas très bon, mais ça fait du bien parfois, ça passe. Non, là, on est en train de boire quelque chose exactement. De très très bon. Qui a de la gueule. Et... Parce qu'il faut quand même une technicité. Il faut un vigneron derrière qui ait quand même le savoir-faire. Et on en a un très très bel exemple. J'ai l'impression qu'il met plus en avant le savoir de la nature. En fait, il ne traite rien. Il faut savoir. Ça va peut-être faire bondir des vignerons belges ou de France. Ils ne traitent même pas la bouillie bordelaise, pas de cuivre, pas de soufre. Rien. C'est la nature. C'est pour ça que c'est sensible quand le voisin il fout des pesticides, parce qu'évidemment, ces vignes n'ont pas l'habitude. Mais il est la preuve vivante, et son vin est la preuve vivante, qu'il est possible de faire de la viticulture en Belgique, malgré nos climats, de façon naturelle. Et ce qui était intéressant, enfin moi qui me surprend, c'est que quand on est venu ensemble ici à l'émission, je lui ai parlé, je dis tiens, tu dois être plein de mildiou, toi. Donc c'est une espèce de tache jaune qui bouffe les feuilles. Avec l'humidité, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas évident. Dans toutes les régions viticoles, même les régions les plus bio qui soient actuellement, ils sont empestés de mildiou. Et lui, il n'en a pas. Alors moi, je ne veux pas donner de preuves scientifiques à ce qu'il fait, mais c'est quand même... une évidence pour moi que c'est possible de vivre naturellement et de produire du vin naturellement. En tous les cas, pour ceux et celles qui souhaiteraient venir voir ce petit vignoble magnifique, il y aura des journées portes ouvertes au mois de juillet. On va mettre toutes les informations sur le site lapremiere.be. C'est une journée notamment où on pourra venir déguster, voir les vignes, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Voilà, quelle est la date exacte ? 10. Le 10 juillet. Oui. Voilà, donc allez-y. On est tout près de Courtrai, donc ça vous fait une chouette balade en famille. De 11h à 19h. Voilà, et puis il y aura évidemment des dégustations. On aura l'occasion de découvrir votre cuvée Herbert, Magda et Dany, qui sont, je vais quand même le dire, de véritables réussites. Ah, c'est très bon. Voilà. Carlo, oui, c'est fini pour nous. Hein. On va retrouver évidemment Patrick Butcher en septembre prochain, qui nous rejoindra. On rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Les gueules, les tronches du vin » publié aux éditions de L'Épure, toujours en librairie. Et à lire, c'est très très inspirant. Servas, je vous souhaite une belle continuation. Carlo, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Première émission de l'été. Ah oui. Sous le soleil, je l'espère. On parlera de barbecue, dites. Barbecue, trop bien. Oui, mais ouais. On va faire le poulet à la canette. Le poulet à la canette? Ouais. Ben oui. Oui, on met la canette dans le fion du poulet. Et puis pardon, je suis encore dit un gros mot. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Oh, je crois que Corinne ne nous écoute plus à cette heure-ci. Et de toute façon, Pascal Claude, tout à l'heure, il en a dit aussi. Ouais. J'ai entendu. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne journée à suivre Transversal. Il y sera question de Monsanto, des OGM et du Roundup. On n'aime pas ça. Mais non. Mais sinon, soyez heureux, profitez de la vie et soyons gourmand, résolument positifs. Ah oui, à la semaine prochaine les amis. Bon samedi à tous. 11h midi sur la première. Bientôt à table avec Sophie Mounz.